Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e podcast Loulouride.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de ne pas revenir sur les matchs de la veille dont on peut vous donner très rapidement les résultats. Le Ghana fait match nul contre l'Australie, un but partout. Le Cameroun est la première équipe éliminée de sa Coupe du Monde 2010 après sa deuxième défaite, cette fois-ci face au Danemark, 2 buts à 1. Et la Hollande est en très bonne posture après sa deuxième victoire de rang, cette fois-ci face au Japon, 1 à 0 sur un but de Schneider. Donc aujourd'hui, on a préféré vous faire un gros avant-match du choc entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, les éléphants et la Seleção. Voilà, donc ça, on va en parler avec, pour la première fois, Alex Joubert, qui est à nos côtés. Alex Joubert, qui est blogueur sur le site l'offensive.net, politique, sport, un peu tout. Salut Alex, et bienvenue dans ce premier podcast Loulouride pour toi. Ouais, donc je m'appelle Alex Joubert, comme tu as dit, j'ai 15 ans, et j'anime le blog offensive.net, donc un peu surtout sport, politique, là surtout sur le foot, hein, donc c'est la Coupe du Monde. Et donc, je suis supporter de la France, de l'Allemagne et du Portugal. Et comme d'habitude, il y a Baptiste aussi qui parlera foot avec nous. Salut Baptiste. Salut à vous deux, salut à tous. Donc pour ce podcast, on a décidé de faire un gros avant-match de Brésil-Côte d'Ivoire. C'est peut-être la plus belle affiche de cette Coupe du Monde entre le Brésil, qui est un champion du monde, et la Côte d'Ivoire, qui est l'équipe africaine qui semble la plus armée, peut-être avec le Ghana, pour faire une très belle Coupe du Monde. On attendait vachement le Cameroun, mais... voilà, ils ont été éliminés, c'est d'ailleurs un peu la déception avec Paul Le Guen, etc. Vous, comment vous voyez ce match? Est-ce que vous avez un premier a priori sur ce match, une domination par exemple d'un des côtés, ou à Baptiste par exemple? Bah, on est déçu par tout ce qui devrait être des affiches depuis le début de la Coupe du Monde. Ça, pour le coup, ça en est vraiment une, avec deux équipes de très bonne qualité, mais on a déjà eu un Côte d'Ivoire-Portugal qui devait être une affiche aussi, un choc. On verra, parce que le Brésil a déçu, la Côte d'Ivoire a plutôt rassuré pour ce qui est des premiers matchs, et donc fait que rendre ce match plus intéressant. Ouais, bah moi je suis un peu d'accord, hein. Portugal-Côte d'Ivoire, c'était censé être l'affiche et ça va pas être un grand match, et pour moi le plus beau match depuis le début, bah, c'était hier, c'était Cameroun-Danemark, et on n'attendait pas ça comme le grand match du premier tour, donc moi je vois plutôt un match surtout fermé, avec bon, un Brésil qui joue quand même très défensif. Parce que bon, pour jouer avec deux défenseurs centraux, un stopper, deux arrières et deux milieux défensifs contre la Corée du Nord, c'est vraiment pas une équipe du Brésil comme on peut l'attendre. Alors on n'a qu'à commencer sur cette équipe du Brésil, donc, qui a fait une première victoire en cette Coupe du Monde, 2 buts à 1 face à la Corée du Nord sans convaincre, et notamment avec un très mauvais Kaká, peut-être à l'image de sa saison assez moyenne au Real Madrid. Est-ce qu'un bon Kaká peut pour vous métamorphoser en fait cette équipe du Brésil, faire en sorte que son jeu... contrôlé par Dunga, plutôt défensif, deviennent un peu plus offensifs avec peut-être un peu plus de folie, comme on attend parfois le Brésil en fait. Oui, normalement oui. Mais Kaká ne le sera pas. S'il l'est, il faut se poser des questions parce qu'il a fait la saison. Justement, Kaká a fait la saison. La moins bonne saison de sa carrière au Real. S'il est en forme ce soir, ce serait surprenant, et surprenant dans le mauvais sens pour moi. Kaká ne sera pas en bonne forme encore ce soir. Maintenant, il aura un niveau de jeu plus élevé parce qu'il y aura un adversaire avec un niveau plus élevé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que Robinho et Luis Fabiano, ils ont eu des ballons, ils ont plein de ballons. Ils n'ont pas été bons dans la finition parce qu'il y a Eleanu qui a un peu remplacé Kaká. Il y a vachement transmis des ballons à Luis Fabiano et Robinho. Et pour moi, les deux gros problèmes, c'était surtout Luis Fabiano d'ailleurs, plus que Robinho. Kaka, il a été remplacé et c'est pas dramatique. Bah, Robinho s'en sort parce qu'il fait la passe décisive sur le but de Elano. Mmh. Donc, juste pour ça, je pense qu'il a fait un match plutôt correct parce que c'était le match au piège. Luis Fabiano, oui, il est lent, il va à sa place et il devrait pas être titulaire, on est d'accord. Ouais. Parce que là, enfin, en fonction des équipes problèmes, celle du Brésil sera quasiment inchangée. Et je suis totalement d'accord quand vous disiez que Luis Fabiano a été complètement mauvais face à la Corée du Nord. Mais pour moi, comme Kaká est celui qui doit rythmer le jeu au milieu, même s'il y a d'autres très bons éléments dans cette équipe, c'est vrai que j'attends plus de progrès de sa part que de la part de Luis Fabiano. Ouais, mais au milieu, il y a de la qualité aussi. Hein. Eleanu, par exemple, il joue à Galatasaray, donc il n'est pas médiatisé en Europe. Mais il a été très bon, il a pallié Kaká en quelque sorte. Hein. Moi, je trouve que Gilberto Silva, par exemple, en milieu défensif, n'est pas la bonne solution puisqu'il est trop vieux. Et malgré l'expérience, c'est un des rares joueurs qui reste de 2006, par exemple. On avait déjà vu en 2006. Et comme ils essayent de faire une nouvelle équipe, et une équipe plutôt jeune, je trouve qu'il va pas du tout avec le reste. Mais en plus, Gilberto Silva, là, je crois qu'il est blessé, il n'a pas joué ce soir. Non, non, il sera bien là ce soir face à la Côte d'Ivoire. Il avait un problème à la cheville, mais il s'est entraîné normalement aujourd'hui et hier, donc tout va bien. Pour revenir sur Gilberto Silva, en fait, c'est peut-être un moyen aussi utilisé par Dunga pour faire une meilleure transition entre une ancienne équipe du Brésil et une nouvelle qui veut instaurer plus jeune, etc. Alors, s'il veut faire une équipe plus jeune, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'ait pas appelé Pato en sélection et qu'il ait décidé d'appeler Fabiano, qui a quand même 29 ans. Bah, je pense pas, parce que, en fait, le problème, bah, c'est qu'on voit d'ailleurs cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, ça va pas être une formation très hostile comme l'Argentine qui va gagner, ça va être une formation contre le Brésil. Et donc, bon, de toute façon, les attaquants, ils ont pas trop leur place. Ça, c'est une sélection très très défensive et Dunga, il veut gagner comme ça. Parce que l'Argentine est là devant, le Brésil est là derrière. Donc, bon, offensivement, le Brésil, tant qu'ils vont mettre un ou deux buts, enfin, je pense que des joueurs modestes comme Luis Fabiano Rubinho, ils vont beaucoup mieux dans cette sélection défensive que des joueurs comme Pato ou Ronaldo, parce qu'ils seraient frustrés de ne pas être le centre du monde, enfin, au cœur du système. Oui, non, mais je pense que de toute façon, le fait que Dunga ait une sélection défensive, c'est des restes de sa carrière à lui. Il était plutôt défenseur. Et c'est un changement pour le Brésil, puisqu'on attendait un Brésil comme on a l'habitude de les voir. En 2006, déjà, ils avaient été très décevants. Et malgré une envie de faire encore une fois le jeu et ce qu'ils savent faire, normalement, ce jeu festif, etc., ils ne l'ont pas fait. Là, ça a l'air clairement destiné qu'ils ne le feront pas, que c'est un nouveau Brésil et qu'on gagne avant tout en bloquant derrière. Ce qui a donné un match décevant contre la Corée du Nord est pire que décevant, parce que pour moi, c'est pas normal de se prendre un but comme ça. Et on parle de défense très très bonne, ils prennent quand même un but. C'est pas normal. Oui, mais après, est-ce qu'on arrive à se motiver contre la Corée du Nord alors que tout le monde disait qu'ils vont leur en mettre 8? Je sais pas. Alors, peut-être pas, mais alors là, c'est une faute professionnelle de pas se motiver contre une équipe comme ça et de la prendre à la légère. Quand t'es à la Coupe du Monde, tu n'as pas à faire ça. Et là, ça serait pire. C'est pas forcément conscient. C'est pas forcément conscient que tu te donnes pas à fond. C'est un piège, ouais. C'est pas conscient et c'est un piège, mais si t'arrives normalement à. Ça, après, ça revient à Dunga de les motiver, de dire que voilà, on peut perdre contre une équipe comme ça à la Coupe du Monde. Enfin, on nous a vendu, nous, l'Uruguay, etc., comme des équipes sensationnelles. Eux, ils auraient pu. Enfin, c'est une histoire de médias. Nous, on a vendu l'Uruguay et le Mexique comme des équipes exceptionnelles, alors qu'elles sont quand même assez faibles. Et résultat, on les a pris comme des équipes exceptionnelles. Je pense que les médias brésiliens ont pris la Corée du Nord en disant ce match-là, ça fait 3 points déjà. Mais on verra, puisque c'est quand même le groupe de la mort. Donc, t'es censé prendre les 3 points contre la Corée du Nord, ce qui est déjà énorme. Et la Corée du Nord aurait dû jouer juste l'équipe qui se prend 3 défaites et qui sert à faire engranger des points au Brésil, à la Côte d'Ivoire et au Portugal. Et j'ai peur que ce soit pas le cas pour les autres équipes. Ouais, enfin, après, je suis pas du tout d'accord quand tu dis que les médias français ont présenté le Mexique et l'Uruguay comme des équipes exceptionnelles. Je me souviens que quand on est tombé dans le groupe A, mais c'était génial. Là, quand il y a eu le tirage, oui. Mais après, il y a eu une sorte d'évolution en fait. On l'a fait à la française, c'est-à-dire qu'après on a dit, mais attention, parce qu'en fait on n'est peut-être pas tombé dans un bon groupe, peut-être qu'on va se faire surprendre, etc. Et là on a commencé à monter le truc, et moi je me souviens bien quand même que dans les dernières semaines on nous a dit, attention à l'Uruguay, on peut se prendre 3-0, il y a Forlan, ça reste des équipes assez faibles. Ouais, ça reste des équipes. On a surtout dit que l'équipe de France avait peut-être pas la capacité de battre l'Uruguay et le Mexique, qu'on a dit que l'Uruguay et le Mexique avaient la capacité de battre l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans l'autre sens plus. Non. Oui, d'accord, mais ça revient après au même du score. Mais pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, par exemple, on sait qu'il va y avoir un changement dans cette équipe, c'est-à-dire que Drogba va être titularisé d'entrée à la place de Gervinho en attaquant de pointe. Quand on voit ce changement, on peut se poser plusieurs questions, parce que c'est vrai que Drogba, c'est l'idole, c'est la star de cette équipe de Côte d'Ivoire et même du football africain, donc... Après, on se souvient que son entrée n'avait pas été formidable face au Brésil, et même que en fait, toute l'équipe s'était relâchée et avait attendu comme ça, hop, hop, hop, Drogba va faire un miracle, on arrête de jouer presque, enfin voilà. Alors que Gervinho, lui, pendant tout le match, moi, je l'avais trouvé assez bon, et voilà. Ouais, on en avait parlé hein, du match aller. Drogba rentre et on a l'impression que l'équipe se repose un peu sur lui. Est-ce que c'est la bonne idée, je sais pas. Et Gervinho, c'est pour moi, si c'est le cas ce soir, une des erreurs à ne pas faire. Parce que c'est vrai, enfin j'ai l'impression de me répéter, mais que l'entrée de Drogba avait été vraiment, c'était vraiment comme s'il s'était montré largué. Alors c'est vrai qu'il était blessé à l'époque, etc. Mais Est-ce que justement, peut-être, ça aurait pas été plus simple de les titulariser les deux, d'associer l'expérience de Drogba des grands rendez-vous à la vivacité, à la rapidité, à la jeunesse en fait de Gervinho? Alex, par exemple, qu'est-ce que t'en as pensé? Et toi aussi, qu'est-ce que t'as pensé en fait de l'entrée de Drogba? Est-ce que t'as vécu la même chose que nous face au Portugal, c'est-à-dire un Drogba presque pas à sa place en fait quand il entre sur le terrain? Ouais, moi je sais pas trop, mais après je me dis que entre Drogba et Gervinho, qui c'est qui va avoir le plus de facilité à battre Lucio ou Juan? C'est quand même logique de titulariser Drogba plutôt que Gervinho, parce que derrière le Brésil, bah, on vient de le dire, hein, il y a quand même du lourd. Donc c'est pas le Portugal, hein, le Brésil. Le Portugal c'est une équipe vieillissante, donc Gervinho, ce qu'il a pu faire contre le Portugal, est-ce qu'il le fera contre le Brésil, je sais pas. Hein. Bah, le truc, c'est qu'on peut les titulariser les deux, je pense. Et ça serait un grand plus d'essayer de les mettre les deux ensemble. Gervinho peut jouer en ailier gauche ou droit? Gervinho, d'après les sites là où je suis, il a joué à droite contre le Portugal. Alors, moi, je l'ai plutôt retrouvé à gauche des fois. Donc, Dindane était normalement mis en pointe et on l'a retrouvé souvent sur les côtés aussi. Donc, ça n'a pas Voilà, l'air très. polyvalent en fait. Voilà, c'est pas très organisé devant et je pense que ça peut faire une bonne doublette de mettre déjà Salomon Kalou, Drogba et Gervinho, parce que Salomon Kalou et Drogba se connaissent très très bien. Si vous avez vu le reportage qui montrait que dans les vestiaires, Drogba joue le traducteur entre Eriksson et le reste de l'équipe, c'est comme si Drogba était en fait le coach assistant de Eriksson. Ah ouais, L'importance de Drogba est énorme. Donc, c'est pas étonnant de le voir sur le terrain dès qu'on peut titulariser un joueur comme Drogba, on fait. Après, il faut quand même et tirer les instructions du dernier match parce que ça a été loin d'être mauvais du côté ivoirien. Et en attaque, grâce à Gervinho, il y a eu quand même pas mal d'animation. Ouais, enfin, toutes les équipes africaines comme Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, on les présente comme des potentiels futurs demi-finalistes, finalistes, vainqueurs. Après, quand on voit le Cameroun, quand on voit le Ghana, ils sont bon, déjà quasiment éliminés, surtout bah, le Cameroun c'est fait, mais le Ghana, ils vont aussi être éliminés. Est-ce qu'on croit avec l'Afrique? C'est vrai qu'on parle toujours de la Coupe d'Afrique des Nations, on parle jamais de la Coupe des Nations, par exemple, lorsque pour l'instant, bah, toutes les équipes asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon, pour moi, ils ont été largement meilleurs que les équipes africaines. Est-ce qu'on ne fait pas trop avec les équipes africaines? Je ne sais pas trop pourquoi. Si, c'est sûr. Mais on en fait trop aussi parce que de toute façon c'est sur leur continent, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Non, mais en plus, on en a fait beaucoup au niveau de la CAN, et moi j'ai été très déçu par le niveau de la CAN, qui avait pour moi jamais été aussi faible. On parlait de l'Égypte en finale, l'Égypte est allée en finale et a gagné, donc c'est un peu, ça ressemble à une compétition déjà toute faite juste avant. On parlait de la Côte d'Ivoire s'est éliminée par l'Algérie, ça doit jamais se passer vu le match, si c'est vraiment une équipe comme on l'annonce, ça doit jamais se faire. Maintenant, Mais je en pense même que la temps. Côte d'Ivoire est la meilleure équipe africaine engagée maintenant et elle se retrouve dans le match, le groupe de la mort et donc le groupe le plus compliqué, elle s'en sort pour l'instant. Assez Vu bien. son parcours à la CAN et vu sa préparation, vu tout ce qui s'est passé en interne. Mais le niveau qu'on a vu de la Côte d'Ivoire face au Portugal, c'était un bien meilleur niveau que ce qu'ils ont montré à la CAN. Parce qu'ils s'étaient sûrement plus préparés, c'était pas en plein dans la saison, par exemple, pour Drogba qui joue à Chelsea, etc. Donc, enfin, pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire a beaucoup plus de potentiel que ce que j'en ai vu à la CAN. Ouais, mais tu joues sur un match, là, tu joues sur un match. Tout le monde est sur un match, c'est comme l'Allemagne dès le premier match, on a dit. Ah ouais, ils vont gagner. Bon, donc la Serbie, ils ont pas été mauvais, ils ont plutôt été bons d'ailleurs, ils méritaient pas de perdre. Dès le premier match, on s'anime, on en fait plein. Mais c'est un match aussi. Sur un match aussi, la France, elle peut être très bonne. Je me souviens contre la Serbie, par exemple, ils ont été très bons. Mais on juge sur un match et on verra. Mais je pense qu'on en fait vraiment beaucoup trop sur les équipes africaines et qu'en fait, elles sont loin d'avoir un niveau même pour aller en quart de finale. Même leur niveau à la CAN, la Côte d'Ivoire a fait partie de l'histoire de Cabinda et de cette espèce d'attentat sur l'équipe togolaise. Donc il y a eu des conditions qui étaient quand même pas faciles. En plus, les terrains, si je me rappelle bien, les quelques matchs que j'ai vus, les terrains avaient l'air quand même assez d'un salé. détérioré. Donc il y a des conditions comme ça. Et là, on est en train de voir aussi une Coupe du Monde qui a l'air un peu déjouée par des conditions de jeu assez spéciales et qui arrangent pas les joueurs. Donc on n'a pas des matchs sensationnels. Comme tu l'as dit, Alex, hier soir, on a sûrement eu un des meilleurs matchs depuis le début. Et voilà, donc Côte d'Ivoire, elle est forcément, en plus en France, on est très pro-Côte d'Ivoire pour X raisons et surtout pour Drogba qu'on a vu jouer en France. Donc on a toujours ce côté un peu pro-Côte d'Ivoire et ce qu'on a vu contre le Portugal. On a forcément nous rassure parce que c'était le Portugal et qu'on annonçait aussi le Portugal comme un grand. Donc Je pense que voilà, c'est un match, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est très important. Et d'après ce que j'ai entendu, ils sont très confiants d'après ce match sur leur niveau et sur leur état de forme. À mon avis, le match, les deux confrontations contre le Brésil pour la Côte d'Ivoire et le Portugal, c'est pas vraiment important parce que je vois vraiment le Brésil gagner. Le Brésil qu'on va voir ce soir, ce sera pas du tout celui contre la Côte d'Ivoire, ce sera celui des qualifications qui a marqué 33 buts, je crois, qui aura encaissé 11. Ça va vraiment être un grand Brésil. Donc, à mon avis, celui qui va se qualifier contre la Côte d'Ivoire et le Brésil, c'est celui qui en mettra le plus à la Côte d'Ivoire. Donc, le match pour moi, Portugal-Côte d'Ivoire, Portugal-Côte d'Ivoire, pardon, il sera beaucoup plus important que ce qui va se passer ce soir. Mais juste Mais pour après, le match entre Ivoire et Portugal que tu as vu, il n'y a pas une des deux équipes qui t'a le plus impressionné? J'avoue que j'ai vu la deuxième mi-temps parce que j'ai dû rentrer avec le bus, donc j'ai vu la deuxième mi-temps. Et pour ce début de mi-temps, les deux équipes elles étaient très très frileuses et j'avais l'impression que prendre un point, ça les arrangeait beaucoup plus en fait. Un peu pas de mon action, mais implicite en tout cas. Mais juste Alex, en fait, quand tu dis que celle qui pourrait ressortir vainqueur avec le Brésil pour aller en huitième de finale, c'est notamment celle qui en mettra le plus à la Corée du Nord. Alors, est-ce que le fait donc qu'il y ait absolument trois grands favoris dans ce groupe et que la Corée du Nord c'est vraiment derrière quoi, ça peut pas faire un espèce de comme un bouffage en fait entre enfin comme si le Portugal et la Côte d'Ivoire se bouffaient à distance et ce qui permettait donc à la Corée du Nord de pourquoi pas faire un hold-up et d'accompagner le Brésil parce que ce qu'on a vu de la Corée du Nord c'était pas non plus de la merde face au Brésil enfin c'est une équipe assez solide derrière et qui peut très bien en deux touches de balle marquer un but enfin moi je sais pas votre avis dessus mais ça c'est très peu probable que ça se passe parce que c'est vrai que c'est des équipes très solides la Côte d'Ivoire et le Portugal mais est-ce qu'il n'y a pas justement une trop grosse concurrence entre ces deux équipes le Portugal et le Côte d'Ivoire pour savoir qui accompagnera le Brésil? La Corée du Nord, pour moi, c'est très simple. Ils jouent à 9 derrière. Et ils passent tous par Young Taese, là, l'attaquant qui joue au Japon. Et un attaquant de soutien aussi. Donc, bon, ça a marché contre le Brésil, c'est l'effet de surprise. Mais c'est assez basique quand même. Et à mon avis, ils vont pas tenir. Le Côte d'Ivoire et le Portugal, ils ont remarqué ça. Donc, à mon avis, Eriksson et Queiroz, ils ont visionné le match, évidemment. Ils vont très bien prendre compte. Il n'y a vraiment aucun risque. Vraiment, je ne vois pas comment c'est possible. L'effet de surprise, il est passé. Il a duré un match. Ils ont fait la meilleure performance de leur histoire, je pense, à part 66. Donc, l'effet de surprise, il ne peut pas durer. Il ne peut pas durer si longtemps. Mais en même temps, Et jouer à 9 derrière. on dit l'effet de surprise, il ne peut pas durer plus longtemps. Mais quand on peut revenir 2 secondes sur le Japon, qui gagne son premier match en convaincant quand même assez face au Cameroun 1-0, et qui perd hier face aux Pays-Bas, mais qui a aussi très bien joué hier, et qui est aussi une des surprises asiatiques de ce mondial. Alors pourquoi ne pas penser que la Corée du Nord peut être justement l'équipe qui va réussir à sortir de ce groupe en C'est l'équipe des plus faibles hein, dans les équipes asiatiques engagées, c'est la plus faible parce que ce qu'on voit du Japon et de la Corée du Sud, c'est du très bon niveau. Eux, c'était quand même, ils ont marqué, ils ont mené 2-0, donc c'est pas la même chose. Ils ont été capables d'aller en marquer un quand il y avait 0-0, c'était plutôt le ballon aux Brésiliens. Maintenant, les Brésiliens n'ont pas fait un match exceptionnel, oui, mais oui, les entraîneurs de la Côte d'Ivoire, du Portugal vont visionner le match, vont voir là où il est le point faible. On parlait de la Corée du Nord surtout en défense. On disait que c'était une défense vraiment impassable. Ils en ont pris deux contre le Brésil et contre un Brésil qui n'était pas flamboyant. Donc, je vais en prendre quand même pas mal contre le Portugal et aussi contre la Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, parce qu'ils jouent à 9 derrière, mais ils en ont pris deux alors qu'en attaque, il y avait Moussa Diagne et Robinho. Donc là, Cristiano Ronaldo et Drogba, c'est pas la même paire de manches, quand même. Bon, pour terminer le podcast, je pense qu'il faut que je vous demande vos pronostics. Donc, pour ma part, je vais commencer par donner le moins. D'abord, je vois pourquoi pas un hold-up, on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils ne sont pas donnés favoris des Ivoiriens, 1-0, peut-être un but de Drogba qui signifierait un grand retour de la star. Après, c'est vrai que le Brésil, je pense, peut facilement dérouler s'ils ouvrent très rapidement la marque. Et vous en pensez quoi? Moi, j'adore la Côte d'Ivoire. Pour tous ces joueurs, maintenant, c'est le match le plus compliqué qu'ils ont à jouer, c'est sûr. Prendre le Portugal en match d'ouverture, plutôt pas mal parce que c'est toujours intéressant de prendre une bonne équipe en match d'ouverture parce qu'elle n'a pas encore les automatismes. Maintenant, ils prennent le Brésil en deuxième match. Le Brésil s'est fait secouer, à mon avis, en interne et au pays. Ça a dû bien crier. Je pense que le Brésil va les battre, mais je vois bien un match accroché quand même. Moi, je vois 2-0 pour le Brésil avec une nette domination brésilienne. En plus, j'espère qu'ils vont gagner parce que moi, je suis vraiment pour le Portugal et pas du tout pour la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je me souviens, c'est Porto qui est avec des champions. C'est le Portugal qui va en demi-finale en 2006, le Portugal en finale en 2004. Donc, c'est quand même pour moi, c'est une équipe dont je me souviens. Donc, j'espère que le Brésil le va gagner et je pense qu'il va gagner 2-0 ce soir. Eh ben, Alex, on te remercie pour ta première apparition dans ce podcast. On te souhaite bonne chance sur l'offensive.net. Bah, merci à toi. Et Baptiste, à demain, si c'est toujours possible. Ouais, à demain. Au revoir à tous et merci d'avoir Au écouté le revoir. podcast. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar.